Medina. Aljumaju ñun ko ko manela mom la Dakaru Ndjay jël job bindu niki dembe de manela Dakaru ñak rek tiss la ñu yendo rawati na nak ñinga xamni ño nek ci banlieue sud ko diéne ma kisi kay mala koy faram vatchel ndax dembe ca peggu 4h du matin ab lak gu metti mo dal di tambali ci park Lambay lak go xamni lam fa yak bari na lol bari la la wax ni ba jéggi dayo enquête nema lamu yak kay ëpp na ndax nak lu jégué téméré million jot na fa tabbi geej l'observateur niko deet neel ay téméré million le soleil nek waaw manela du ben du ñaar waye ay téméré million manela yakuna ci nak gi ba ni ken xamul ñaaka la dé waye njortes nañu dé téméré million gi dal ya fa jotta yakku manela bari na enquête nema ñaar fukki camion yo xamni ay ramassage mbalit lañuy def dal dinañu yakku ci bobu le lak l'observateur ne kay Ahmed Fall Baraya kay momom yoy le camion mom Ahmed Fall Baraya lu upp juromi téméré million ñak nak ci lak gi amon niki demb motax yene kay future media bi ne ma Lambay kay manela dafa jeex tak Lambay jeexna sud ko di jene ma moone day sapeur pompier yu France ño wañi jote ga de ndax ño ñew walu ci yu rewum Senegal ba lak ga meuna wañeku enquête ne ma budul won ak ño manela maire bu pikine day dal di lak ba jeex sapeur yu Senegal ak yu France day ño boole senuk doole sauver bobu le maire nga xamni lak ga ko don laal l'observateur ne ma manela général sapeur pompier dafa mujj def faf nak sa beureup ba carte généralam ngir nak xol yeen pexel ni jël ba fay lak go xamni 4h du matin ba 22h man la fukki waxtu ci goudi ma ngay jex jexi lak ga ngay am waye mujj nañ ko maîtriser manela ba dal di koy fay sud quotidien ne ma waye comme ay du yam ci bop borom de du pak Lambay de wala yit banlieue kessa ñoy ak metit ba Dakar plateau ak banlieue ak lako wër demb manela courant bu doy amu fa Senelek neñu déficit bu 105 mégawatt di téwer ak juroom ci mégawatt lañu dal di ñak seeni câble nak ño dal di lak ci lak gu metti goge l'observateur ne ma du courant de ndax ndox niki demb yit man la nañ ko doon joxe dafa dal di amu perturbation ndax lak ga rek libération ne ma Amadou Matar Cissé mom directeur général bu Senelek ma ngay jéggelu xam leen ni kon li du senuk sabab ndax lak ga amone niki demb fofé ci pak Lambay mo waral courant demb ak tay muñ ta doy ci Dakar ak lako wër ñom yamuñ ci da ñom wa Senelek ndax neñu gannaaw ba ñu ñaké 105 mégawatt fas nañu yéne nak amal ak plainte contre kan xana contre x ngir xol nak seen ñak courant gogé ak senuk fil lan mo waral mu ag ci gogulé lak ci réew mi demb jax jaxina ndax lak gu metti rek l'observateur ne ma Abdoulaye Diouf Sarr de ma ngay jax jaxi bir yéne kay bi ndax nak waxna ci ponku yu bari jëmele ci walu politique Abdoulaye Diouf Sarr gëm na ni wad ak Macky Sall day duñu gaawa gisé bay déggo nak ci kaddu ndax nak leen yittel dafa bokul mom Abdoulaye Wad danaka li yittel Macky Sall yittelouko mom Macky Sall day rewme ko yittel lu jëmele kanam rewmi ak lu rataxal ñi nga xamni ñoy way politique bu ko defé rewmi mëna and ci déggo ak ci dal waye goor gi day bayyi Karim Maysa Wad Diouf Sarr ni leneen ko yittel Diouf Sarr meen koy xam lene xaf ak Macky Sall du combat dedet ndax Macky Sall nak kon ligéyam mo neurmel adversaire politique mi du kasso mom Macky Sall ligéy bi dal doyna ko bilan mom kor ciow lay xam lene ligéy dong ko ñor ligéy dong mo ñor Macky Sall mo taxit mi ngay bëgg ray adversaire politiquem mom mbiru Khalifa Sall de Abdoulaye Diouf Sarr japp ne waluk yon la di waluk justice bu ci kenn duggal kenn li am te dess dal moy dejeti fi Macky Sall dal moy te Abdoulaye Wad mom Abdoulaye Wad mo may day fami ñassen ba ca lew na ñang koy sax saxé yeral ma sud quotidien imam Mohamedou Arabi Cissé mom moy imam bu juma ju mag ja nek ca lew na ñassen amul lani la lu mu yakul Abdoulaye Wad ak Ahmed Khalifa Niass mom imam bané Abdoulaye Wad bëss bu porter plainte Macky Sall junni plainte dina baye ko ci njabotuk lew na sen dem tabbi ci ndodam ñom lañ mënul gëm mën ko xalaat moy naka la Abdoulaye Wad ak Ahmed Khalifa Niass fekke njabotuk lew na sen nek ci nakar ñu fi yëkëti sen kaddu yo xamni amul bop amul gendiko politique li moy lan la Abdoulaye Wad sañul def tiwawal sañu ko def Touba mang koy def nak ci lew na sen te duñ ko nang wa ñom nakar ak pis lañu andal way Abdoulaye Wad melni faalé wul lolu mok Ahmed Khalifa Niass fas yene nak jël nak senu diko politique mo taxit neñu ngembu nañu Touba yu Manila duñu nangoti ben politicien ñew ci senu gox diko tilimal diko saltel wala difa wax walu politique ci anam gumu meunti nekké nak cey mbir ma ñu delu wat ci l'observateur Abdoulaye Diouf Sarr néna day mom Touba yu ne mom ministre de la santé fas yene xex ak ñi nga xamni ni garap yi bon dañuy duggal ci mim rew le soleil yene kay na ma président de la ko déggé ndax njitum rew bi Macky Sall néna dotul nangol tay dotul nangoti ëlëk ñuy faat suñuy doom ak suñuy njabot ci ay garap yo xamni aajoawul deug aajoawul yoon duko duggal ci mim rew dotuko nangoti mom président niki demb la ko xamlé ci ndaje go xamni wërgu yaram dong lañ doon waxtané le soleil né mbaye ngeen ni budget santé day dañu ko yokku bourse étudiant yi mané jëlé nañu ko fanwéru junni yobbu ko ci 300 000 francs CFA cey li mané la am ci lañuy dal di danelé ci kébé mère mam ngor mi day lamu def reyna ku tuddu mam ngor jogal wané sa bop dal ci kaw mam ngor mi jarbatam bo xamni mané la rakam bu jigen moko jur mom la dal di iri ba ci digg Allah ba yamul nak ci xoj ko de jarbat bi dedet mam ngor dal dafa jël jarbat bi bëgg ko sakku doomu rakam mané la iri ci Allah ba fas ko yene sakku ndax bo bobak legi mo xalé bi yarondo ci kër gi gis na dal xalé bi mel nako neex jek lool mam goor duma recc ma nga kasso bye bye.